Bagay la jan, bagay bel odo, se sak fe pa jwi la ve. Men bon die bon, yon jou ma valez, pou m fe tou sa ple. Mwen pa te kouaje, yon jou kanmen, ma jwi yon fi chan. Dans la vie, c'est vivre en espoir, pas désespéré. Le jeune homme garçon, fort capable de supporter leur procédé demain, pour capable réaliser ça, c'est yon om gason wap sipote fò pa di pasyante lè posede demen pou kapa pri a ralize lè yon om gason wap sipote fò pa di pasyante lè capable réaliser. Après 2 années passées loin de mes terres, je reviens. J'ai hâte de voir ma femme, mes enfants, ma guilive, mes moutons et mon joli cheval gris. Cependant, leur avançant, je devais beaucoup de peine à traverser les 50 kilomètres que je dois parcourir. Oui, monsieur Henri, monsieur était allé prendre du clairin à la Guilive. La bouche a pris communication avec ses liquides. Le feu a tout consumé. Le pauvre, il s'enfuit. Un jambe cassé. Oh, misérable, imbécile, tu disais que qu'il n'y a rien. Oui, monsieur Henri, sauve-t-il toujours? Le médecin voit un traitement assez sérieux. Heureusement, le tétanos a vite fait son travail. Depuis 2 mois, mes sangs ne souffrent plus. J'achève de malheureux jours, durant les trésors, durant les 2 années que tu as passées dehors. Et adieu, cher patron, et que les chiens soient le gardien de ton cadavre. Ce soir, je m'en vais tu, bandit avec 5 ans. Accompagné de quelques demoiselles ici présentes, si je ne me pas trompé. Moi, bagué l'argent, bagué belle auto, c'est ça que je me suis la vie. Mais bon Dieu, bon, il y a un jour ma valise pour me faire tout s'appeler. Moi, pas découragé. Yon jou quand même, ma jwenn yon fè chans. Mais dans la vie, c'est vivre en espoir, pas désespéré. Le yon homme garçon, fort capable de supporter leur procédé de main. Pour capable réaliser, ça c'est vrai. Le yon homme garçon, wap supporté, faut pas dépatienter. Leur procédé demain, pour capable réaliser. Le yon homme garçon, pour supporter, faut pas dépatienter. L'homme possédé demain, pour capable réaliser.